Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9, 5. Comparaison de la passion et de la compassion. Notre cinquième point avait pour objet de comparer la compassion à la passion, mais nous l'avons déjà fait en grande partie d'une manière implicite dans le cours des investigations précédentes. Le premier point de similitude se trouve dans le caractère intérieur de la compassion. Les souffrances mentales de la passion dépassèrent de beaucoup les tortures corporelles, non seulement parce que l'angoisse du cœur est plus difficile à supporter que la peine du corps, mais aussi parce que ces souffrances mentales furent d'une nature beaucoup plus terrible et qu'elles furent d'une plus longue durée. L'agonie intérieure par laquelle l'ignominie et la méchanceté du péché étaient expiées était bien plus cruelle que les coups, les blessures et les atrocités que la cruauté des pécheurs pouvait faire souffrir au corps de Jésus. Ces peines intérieures furent plus nombreuses, plus variées, plus violentes, brûlèrent plus profondément et durèrent plus longtemps. L'abandonnement du Père et le poids de sa justice courroucée étaient assurément les souffrances les plus intolérables de la passion, et l'une et l'autre de ces souffrances étaient intérieures. Après elles, nous devons placer les douleurs de Marie, et celles-ci surtout affectent Jésus intérieurement. Le péché, le troisième des bourreaux de Jésus, torturait son âme plus que son corps. Ainsi, quoique notre attention soit naturellement attirée d'une manière particulière sur sa passion extérieure, cependant nous n'aurons jamais une idée juste de celle-ci, si nous ne nous rappelons que, dans une grande mesure, la plus grande portion de sa passion était intérieure. La passion visible n'était que la surface agitée d'un océan invisible. La compassion de Marie était également intérieure, dans son cœur aussi bien que dans celui de Jésus. Elle venait aussi des mêmes sources d'affliction et passait par le cœur de l'un avant d'arriver au cœur de l'autre. En même temps, il y a assurément à cet égard un contraste aussi bien qu'une similitude. Car Marie n'avait pas de passion extérieure pour correspondre avec celle de Jésus. Sans doute son agonie intérieure était accompagnée d'un épuisement douloureux de son être, d'une torture qui brisait son cœur matériel, et d'une ardeur intolérable qui lui brûlait le cerveau. Son corps souffrait aussi bien que son âme. Il était obligé de renfermer du feu, et ce feu le brûlait de part en part. Néanmoins, il n'y avait rien en Marie pour correspondre à la passion extérieure de notre Seigneur. La passion extérieure de Marie consista dans les 15 années d'attente douloureuse et accablante, qui devinrent sa destinée quand Jésus fut monté au ciel. On peut aussi comparer ensemble la passion et la compassion dans le sens que l'une était la cause de l'autre. Toutes les deux étaient des causes et toutes les deux étaient des effets. C'était la passion de notre Seigneur qui remplissait jusqu'au bord le cœur de la Sainte Vierge d'amertume, et c'était la compassion de la Sainte Vierge qui était un des principaux ingrédients de la passion de notre Sauveur. Seulement, la compassion de la Sainte Vierge n'était cause de la passion que d'une manière restreinte, tandis que, comme effet, elle lui était plus proportionnée, la saisissant dans son ensemble, l'embrassant, se l'assimilant et se l'appropriant tout entière. Le contenu du cœur de la Sainte Vierge ne pouvait remplir le cœur de notre Seigneur, mais le cœur de Marie pouvait contenir ce que renfermait celui de Jésus. La Mère crucifiait le Fils, et le Fils, crucifié comme il l'était, allait se placer avec tous les instruments de la passion dans le cœur de sa mère, qui l'agrandissait en le brisant. Ce n'est pas seulement que chaque peine de la passion fut représentée dans la compassion de Marie. Il est très vraisemblable que Marie la sentait telle qu'elle était, sinon dans toute sa réalité, du moins dans la mesure effrayante de sa capacité pour la souffrance. C'est ce que les saints ont aussi éprouvé dans leur mesure. Ils ont été stigmatisés invisiblement, et, au milieu de tortures intérieures, horribles et inimaginables, ils ont été conduits à travers tous les mystères de la passion, pendant qu'un pouvoir miraculeux était souvent nécessaire pour empêcher la séparation du corps et de l'âme. Pourrions-nous nous imaginer que cette compassion intérieure et réelle leur fût accordée sans l'avoir été à Marie ? Une autre similitude entre la compassion et la passion consiste en ce que, comme il a été permis à des saints de ressentir d'une manière mystérieuse les souffrances de notre Seigneur, de même il leur a été permis de participer d'une manière mystique aux douleurs de Marie. La compassion et la passion ont toutes deux été reconnues comme les sources d'où ont coulé les merveilles les plus singulières, et en même temps les mieux accrédités de la théologie mystique. Markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.